Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette première chronique des ondes positives. Une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour élucider les mystères de notre quotidien et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment nous faisons nos choix. Fadjet, les ondes positives. Où le choix commence, finissent le paradis et l'innocence. C'est ainsi qu'Arthur Miller, célèbre dramaturge américain, connu également pour son mariage express avec une certaine Marilyn Monroe, qualifiait cette action, que nous faisons pourtant sans cesse et chaque jour. Choisir comment s'habiller le matin, choisir si on met ou non un sucre dans notre café, choisir la bonne file d'attente à la caisse du supermarché, jusqu'à choisir notre métier, la personne avec qui l'on partage sa vie, la manière d'élever nos enfants et peut-être même ce qu'il doit advenir de nous une fois que nous ne serons plus là. Le choix est là, partout, invisible à nos yeux et pourtant bien palpable, parfois sous la forme d'une boule qui compresse notre estomac ou d'une barre qui bloque notre gorge. Alors, pourquoi est-ce parfois si difficile de faire un choix? Eh bien peut-être parce qu'il arrive que nous soyons face à un dilemme. En grec ancien, le dilemme veut littéralement dire deux propositions. Deux propositions qui présentent chacune des avantages, mais aussi des inconvénients. On peut également parler de choix cornélien, en référence à Corneille, le célèbre écrivain qui appréciait placer ses héros dans des situations pour le moins délicates. Dans le Cid, par exemple, Rodrigue et Chimène s'aiment. Mais pour venger l'honneur de son père, Rodrigue doit tuer celui de Chimène. Entre amour et devoir, que choisir? S'il était du XXIe siècle, on pourrait dire de Rodrigue qu'il souffre de phobo, ce syndrome qui a été récemment reconnu comme étant le « fear of better option », la peur des meilleures options. Syndrome qui serait en partie causé, selon les chercheurs, par la multiplication des offres, des choix, des services et des produits. Et si trop de choix tuait le choix? Les ondes positives sur Fadjet. Alors, comment aider notre cerveau à se décider? Décider, du latin décidere, signifiant couper, trancher, nous laisse déjà présager toute la difficulté de la chose. Du côté de la science, le lien avec les enjeux et les risques d'une décision ont vite été mis en lumière. Mais notre cerveau se réfère également à nos heuristiques, c'est-à-dire à tous les jugements et les modes de raisonnement qui font uniquement appel à nos expériences passées. Décliner une invitation dans un restaurant précis, par exemple, parce qu'on s'y souvient d'y avoir mal mangé. De leur côté, les neurosciences ont souligné l'importance des émotions dans la prise de décision. L'émotion est pour Berthoz la simulation de l'action, c'est-à-dire qu'elle nous prédit l'état émotionnel qui sera généré par tel ou tel choix et nous incite donc à aller vers l'un ou vers l'autre. Dans l'exemple de l'invitation au restaurant, il est possible que nous ayons le souvenir d'y avoir mal mangé, non pas-on à cause de la qualité des plats, mais peut-être en raison d'une dispute que l'on aurait eue à ce moment-là avec la personne qui nous accompagnait. Aussi inconsciemment, nous préférons décliner une nouvelle invitation dans ce lieu, de peur de revivre ce moment émotionnellement pesant. Notre réflexion et notre choix sont ainsi biaisés par notre mémoire et nos émotions qui nous interdisent peut-être l'accès à une soirée qui pourrait s'avérer cette fois-ci agréable. À travers les siècles, les choix des hommes et des femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière de prendre une décision. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction la Chine, au premier millénaire avant notre ère, pour découvrir un outil d'aide à la décision utilisée tant par les plus humbles que par les plus grands dirigeants. Cet outil, c'est le Yi Qing, le livre des mutations, qui nous propose de l'interroger au travers d'un tirage de tiges d'Aquilée ou de pièces de monnaie, afin d'obtenir un hexagramme, c'est-à-dire une figure à six branches, symbole de l'une des clés de réponse à notre question. Une version orientale du tarot, aurait-on envie de penser? Eh bien non, pas du tout. Car le Yi Qing a pour but, non pas de donner des réponses figées et précises, mais d'inciter le demandeur à réévaluer chaque élément passé, présent et futur en lien avec son choix et d'en considérer les évolutions possibles. En outre, il nous apprend à faire émerger à notre conscience ce choix qui était déjà inscrit quelque part dans notre inconscient. N'est-ce pas Jean-Paul Sartre qui disait « Choix et conscience sont une seule et même chose ». Alors, finalement, pourrait-on en conclure que nous possédons en nous toutes les réponses à nos questions? C'est ce que la PNL, la programmation neurolinguistique, instaure comme l'un de ses préceptes fondateurs. Nous possédons en nous toutes les ressources nécessaires pour affronter chaque situation qui nous arrive. En prenant conscience de nos capacités, en transposant des compétences que nous possédons déjà, dans certains domaines, à d'autres moments de notre vie, en modélisant l'attitude des figures de réussite qui nous entourent, nous sommes alors capables de faire le bon choix. Allez, petit exercice. Notons sur deux petits bouts de papier deux propositions pour lesquelles nous restons indécis. Par exemple, je veux changer de travail sur un premier papier et je veux rester dans mon emploi actuel sur un second papier. On plie les papiers et on place un premier dans sa main droite et un second dans sa main gauche. C'est fait ? Allez, tendons nos bras vers l'avant, les poings fermement serrés et posons-nous la question « Que dois-je choisir ?» et laissons notre inconscient, par le biais de notre corps, nous répondre. Dans quelles mains sentons-nous plus de vigueur, de force ? Est-ce que l'une des deux a envie de se baisser ? Avons-nous la sensation d'avoir quelque chose de lourd, par exemple, dans une de nos deux mains ? Voilà, maintenant que le choix est fait, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il un petit peu de courage. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite, et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.